بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. خذ لكم منطقة أبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وأهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 139، وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، رواه الخمسة، وصححه الحاكم وابن قطان ورجح غيرهما وقفا. وهذا هو موقف. طيب، من الصدق حديث سر ابن عباس رضي الله عنهما que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit à propos de celui qui a des rapports avec sa femme alors qu'elle est à ses menstrues, il a dit qu'il fasse l'aumône d'un dinar ou d'un demi-dinar, rapporté par les cinq, authentifié par le Hakim ibn Qattan. Et autres que eux ont vu qu'en fait c'était Moukouf, Ibn Abbas. Donc il y a un khilaf par rapport à ce hadith. Et ce qui apparaît, c'est qu'il est Moukouf, Kalam d'Ibn Abbas. Donc il dit Al-Masailu al-Ahkamu al-Mustafaratu min al-Hadith. Mas'alatun hal 'ala man ata imra'ata ha'idan kaffaratun. Donc est-ce que celui qui a des rapports avec sa femme doit payer une expiation? Doit rendre une expiation en échange de ce qu'il a fait comme acte. Et étant donné que le athar, plutôt le hadith, ne remonte pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'argument là-dessus. Il cite une parole de Nawawi dans Sharh Muslim par rapport à ce hadith, où il met la divergence entre les ulama par rapport à ce que doit faire celui qui a eu des rapports avec sa femme alors qu'elle est haïd. Au final, il est ressorti avec que, comme le hadith est authentique, il n'y a rien sur lui. Fait tauba. Et ce fut également le calife de Nawawi lui-même. D'accord. Le dinar, ça équivaut à 4 grammes d'or. Ça fait à peu près ici en rial 10 000 rials, 10 minutes. Et 10 000 rials à la minute, ça fait tout à peu près. Allez, entre 45 euros, peut-être par là actuellement, à peu près. L'euro il bouge, il monte, il descend, il monte, il descend, il est instable. Et qu'on coupe la main pour combien? C'est quoi la valeur minimum à voler pour que le voleur se fasse amputer la main? Rob dinar. Ça fait combien? 2500 riyals. 2500 riyals. Et le dirham, c'est quoi comme matière? Dinar, c'est l'or. Dirham, c'est fedda, l'argent. Non. Donc, pas de kafara pour celui qui aurait eu des rapports en réalité. Des ulama voient qu'il y en a, tu vois, malgré tout, mais il n'y a pas de dalil. Donc pas d'expiation pour celui qui a eu ça, bien qu'il aura commis un péché assez grave et qu'il va faire tauba. Non. Après il dit, il hadith 40 ba'd al-mi'a. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Muttafaqun alayhi fi hadith. Donc selon Abu Saïd al-Khudri, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas, c'est-à-dire en parlant de la femme, que si elle a ses menstrues, ni elle ne fait la salat, ni elle ne jeûne. Le hadith, il est muttafaqun alayhi. À la base, c'est une partie prise d'un long hadith. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti exhorter les femmes, le jour du Eid, qu'il leur a dit, qu'il a vu qu'il était la plupart des gens du feu. Raïtu kunna akthar al nar. Fa kunna wa fa bima ya Rasulullah. Donc ils ont dit en quoi ya Rasulullah? Il dit tukthirna al la'na. Vous insultez beaucoup, vous maudissez beaucoup. Wa takfurna al ashir. Vous êtes ingrate dans la vie de couple. Thumma qala wa ma ra'aytu naqisat 'aqlin wa dinin adhhaba li lub al rajul al hazim min ihda kunna. Je n'ai pas vu depuis de raison réduite et de religion de raison réduite qu'une d'entre vous faire perdre la raison à un homme déterminé. Donc elles ont interrogé Abim Fima Nox Aklina Wadinina. En quoi donc est notre réduction de raison et de religion? Après il a dit Alaysat Shahalatul Mor'ati. Il a dit, n'est-ce pas que le témoignage d'une femme, ça vaut la moitié du témoignage d'un homme? Elles ont dit si. Elle dit ça, c'est la raison. C'est la chose qui démontre que sa raison, elle est réduite. Après, elle a dit, وَلَيْسَتِ الْمَرْأَيْزَ حَاضَتْ لَمْ تُصَلِي وَلَمْ تَصُمْ هَذَا الشَّهِدْ. N'est-ce pas que si jamais elle a ses menstrues, ni elle ne jeûne, ni elle ne fait salat, elles ont dit, en effet. Elle a dit ça, c'est la réduction dans sa religion. Le manque de sa religion. Non. Et c'est une chose que Allah a voulu. Taïb. Donc il dit le masa'il ou l'ahkamu al-mustafa'alatu min al-hadith. Il dit mas'alatu min al-ha'id tatruku salat wa siyam thumma taqdi as-sawm. Que la femme qui a ses menstrues doit délaisser la salat et le siyam, mais par contre elle rattrape le siyam, les jours de jeûne, elle les rattrape, et pas la salat. Donc c'était une parole d'Ibn Munzir dans Awsat où il dit que les ulama sont unanimes, qu'il n'y a pas de khilaf entre eux, que la femme ne fait pas salat lorsqu'elle a ses menstrues. En prenant comme preuve ce hadith. Et également, il n'est pas permis de jeûner lors de ces jours de menstrues. Et que les savants sont unanimes, qu'elle doit reprendre son jeûne après s'être purifiée. Également la salat. Et qui fut également affirmé qu'elle doit rattraper les jours de jeûne qu'elle a manqué. En prenant le hadith de Mu'adha al-Adawiyya, al-Muttafaqun alayhi, lorsqu'elle interrogea Aïcha, en parlant de la femme qui a ses menstrues, elle a dit Ma bel el-Haïd, taqdi el-Sawm, wala taqdi el-Salah. Pourquoi est-ce que la femme qui a ses menstrues doit rattraper le jeûne, ne doit pas rattraper la salat? Aïcha lui a dit Eharuriyatun anti. C'est une harouria. Harouria, c'était une firqa des khawarij à l'époque. D'accord? Qu'elle a dit, laisse tout bi harouria, voilà qui ni as'el. Je ne suis pas harouria, je t'interroge. Donc elle dit que, quand kana yusibuna zalika ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, fa nu'maru bi qada isawm, voilà nu'maru bi qada as-salat. Donc cela nous arrivait à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui nous ordonné. Il nous était ordonné de rattraper le siyam et non la salat. Lorsqu'elle dit le hadith wa qad kana yusibuna zalika ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa nu'maru bi qada'i as-sawmi wa la nu'maru bi qada'i as-salah. C'est un hadith marfou. Là c'est Aïcha qui parle. Naam, c'est Aïcha qui parle. Donc c'est quoi le jugement là, de sa parole? Tu sais que le marfou, on a dit le hadith qui montre le professeur Salem, il y a deux catégories. Hukman, Hakikaten. Hakikaten, c'est la parole du professeur Salem en soi. Hukman, c'est quoi? Comme cela. Lorsqu'elle dit, il nous était ordonné à l'époque, au professeur Salem, de faire telle chose. Ça, c'est le jugement du Rafa. Donc c'est comme si c'était. En fait, elle rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait de faire. Bien que ce n'est pas lui qui est directement, mais c'est le jugement du Raf, que c'est sa parole à lui. Naam. Qala mas'alatun, idha hadat al-mar'atu ba'd dukhul waqti salati qabl an tusalliha. Il dit que si jamais la femme est atteinte de ses menstrues, après l'entrée du temps de la salat, mais avant qu'elle ne l'accomplisse. Vous voyez, l'heure de la salat, elle est rentrée. Le dhor, elle n'a pas encore commencé la salat. Il y a un petit laps de temps qui se passe. Et les haïds, ils viennent. Là, c'est monstrueux. C'est quoi le jugement par rapport à ça? Donc, il y a différentes paroles là-dessus. Première parole, qu'elle doit rattraper. Lorsqu'elle aura, elle sera purifiée. Deuxième parole, que si jamais elle avait eu le temps de faire la salat au début du temps, elle doit rattraper. Si elle n'a pas pu, elle n'aurait pas pu le faire, alors elle n'a pas rattrapé. C'est-à-dire vraiment un temps, un laps de temps très court. Les bons scolaires sont beaucoup premiers, quoi. Le troisième call, c'est qu'il n'y a rien à rattraper. D'accord, elle n'a rien à rattraper. Car il fait rapporter automatiquement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la salat en début de temps, en milieu de temps et en fin de temps. C'est-à-dire celui qui ne fait pas la salat dès son début n'a pas pu de péché. D'accord. C'est mustahab. Et là, il y a ni le fait de ne pas faire la salat en début de son temps pour une femme, il n'y a pas de péché pour elle. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de péché pour elle ni rien, elle n'a pas rattrapé. Car même si elle avait pu ses menstrues, elle aurait pu ne pas faire salat à ce moment-là. Ça n'était pas obligatoire. Donc elle n'a pas rattrapé. Après, il dit mas'alatun. إذا تهرت الحائض في آخر وقت الصلاة بمقدار لا يمكنها الغسل حتى يخرج الوقت فهل تلزمها تلك الصلاة. Donc si la femme se purifie en fin de temps de salat et qu'il ne lui reste pas assez de temps pour faire le ghusl sans qu'après la salat sorte de son temps, est-ce qu'elle doit faire cette salat ou pas? Par exemple, pareil, c'est l'heure du Asr et elle se purifie peut-être 3 minutes avant le Maghreb. En plus, c'est bon, c'est fini. S'il fait son rousle, le Maghreb y rentre. Est-ce qu'on doit faire le Asr? C'est ça la question. Donc il dit apparemment, il y a différentes paroles là-dessus. Il dit la première parole, cette salat ne lui est pas obligatoire. Elle n'a pas à la rattraper. C'est la parole de Al-Awza'i et Al-Zahiriya. Deuxième parole, que si jamais elle se purifie, qu'il laisse le temps de faire une harakat, elle doit faire sa salat. Même si cela amène à ce qu'elle la fasse après son heure. C'est-à-dire qu'elle fait son rousse, elle la fait quand même. C'est-à-dire si jamais elle s'est purifiée, qu'elle laisse le temps de faire une harakat seulement, elle fait son rousse et après elle fait sa salat, même si le temps est sorti. Et d'autres lui disent, troisième parole, moins que ça, même moins que le temps d'une raka. À partir du moment où le temps n'est pas fini et qu'elle s'est purifiée, elle fait son rousse et elle fait sa salat. De cette heure-là. Même si elle a fait après son heure. C'est le problème du calem de Ahmed. Et la parole rajih pour Cheikh Ibn Hizam, parce que Ibn Hazm il a dit que Allah SWT n'a pas permis la salat si ce n'est en les temps de purification. Et qu'il a déterminé des temps définis pour les salats. D'accord. Donc elle, si elle ne peut se purifier et être dans le temps, alors nous sommes sur la certitude que cette salat-là ne lui est pas obligatoire. Pour elle, en son cas à elle. Donc la vie le plus sûr, c'est qu'elle n'a pas la salat, elle n'a pas à la faire. Car ce n'est pas de sa faute. D'accord. Elle est excusée par rapport à ça. Après, il finit par une mas'ala. إذا تهرت الحائض قبل غروب الشمس وقبل طلوع الفجر فماذا عليها أن تصلي؟ Si elle se purifie avant le maghreb, avant le coucher du soleil ou avant le lever du soleil, quelle salat doit-elle faire? Donc en premier, c'est que si jamais elle se purifie à l'heure du asr, d'accord, elle doit faire que le asr. C'est tout. Elle n'a pas à faire le dhuhr. Elle fait que le asr. Que si jamais elle se purifie après l'heure du Isha, elle fait que le Isha, elle fait pas le Maghreb. Et pareillement pour le Maghreb. Si elle se purifie à l'heure du Maghreb, elle fait pas l'Asr. Ainsi de suite. Amen. Donc ça, c'est le premier call. Parmi eux, Al-Hassan al-Basri, Qatada, Muhammad, Al-Thawri, Abu Hanifa. Deuxième call, deuxième avis. De Taouz, de Nakhari, Mujahid, Zuhri, Malik, Shafi'i et Ahmed et d'autres. Et c'est la parole de la plupart des savants, Jumhur al-Ulama, qu'elle fait les deux salates. Par exemple, si elle se purifie au Asr, elle fait l'Asr et le Zohr. Si elle se purifie au Isha, elle fait l'Isha et le Maghreb. D'ailleurs, il y a quelques jours, des frères m'ont interrogé sur cette masala-là en rapportant la parole d'Ahmed, justement, et qu'apparemment, également, c'est l'avis de Cheikh al-Islam. Et un frère avait confirmé que même Cheikh al-Fawzan, il voyait cet avis-là. Et d'ailleurs, comme il a dit, c'est l'avis de la plupart des savants. Et eux, c'est quoi leur hujja? C'est qu'ils ont mis le fait que lorsque le Prophète sallam était malade en voyage ou quoi, lorsqu'il devait lire le salat, il lisait celle-ci ensemble. Le Asr et le Zohr. Le Isha et le Maghreb. D'accord? Et non pas Maghreb et l'Asr. Il n'y a pas. C'est Zohr et l'Asr. Et le Maghreb et Isha. Donc il voit qu'il fait partie des personnes, comme le malade, ça lui est permis. Par exemple, le malade, il peut lire entre les salawat. Le voyageur peut lire entre les salawat. Et certains ont vu la vie dans, lorsqu'il pleut entre le Maghreb et l'Isha. Et aussi le Asr et le Zohr, il me semble. Non. En tant que plus, certains aussi voient que tu peux le faire. Il y a un khilaf sur la masala. Ça, c'est pas le sujet. Donc, ils ont vu ça. D'accord? Et c'est l'avis des Jumour. Et c'est une parole également qui fut attribuée à Ibn Abbas. Cependant, le Asr qui remonte à Ibn Abbas n'est pas authentique. C'est l'avis attribué à Abu Huraira. Et c'est l'avis choisi également par Cheikh Al-Othaymin et Cheikh Mokbil. Et quoi qu'il en soit, Cheikh Ibn Hizam lui voit que c'est le premier qaul qui est le vrai. Car il dit que le Zohr, il est fini le temps. Il rentre dans l'As. D'accord? Donc il dit, il y a la différence qu'il y a entre le Ha'id et les gens excusés, comme le malade par exemple, le voyageur, c'est qu'eux, ils ont un texte qui leur dit à eux. Ils peuvent le faire. La Ha'id, il n'y a pas de texte qui le dit. D'accord? Il n'y a pas de texte qui le dit. Donc il dit comment, donc d'où allons-nous lui imposer une salat sans dalil? Il rapporte une parole d'Ibn Munzir, c'est la même chose. Il dit qu'on n'a pas de hujja pour imposer à la femme de faire deux salats alors que le temps est terminé et qu'à la base, on ne pouvait pas la faire avant. Il dit qu'on n'a pas de hujja là-dessus. Comment lui imposer une chose? D'accord? Mais au final, Shir, il dit, et après il sort Ibn Munzir, il dit quoi? C'est quoi sa hujja? Qu'on est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man adraka rakatan min al-as. دليل على أن طيب دليل على أنه مدرك ومدرك للعصر لا للظهر. que celui qui a attrapé ne serait-ce qu'une rakat du asr, alors il a avant que le soleil ne se couche, alors il a rattrapé le asr. Il a dit l'asr, il n'a pas dit le zohr. Donc elle a pris la salat où elle s'est purifiée, l'heure où elle s'est purifiée. Celle d'avant, elle n'est pas comptée. Mais Shir dit quand même le plus prudent, c'est quoi ces deux? الأخوات يقول الأخوات أن تصلي صلاتين لوجود العذر كأنه يسكز والله تعالى أعلم donc elle ressemble un peu aux gens excusés en fait, c'est ça l'histoire, d'accord, elle ressemble un peu aux malades, mais eux ils ont un texte précis pour eux, tu vois, donc lui à la base il voit que c'est pas obligatoire, ça ne fait pas, elle n'a pas de péché, mais il dit par prudence, tu vois, elle l'a fait, mais lui en tout cas il n'est pas comme les ulama qui disent faut le faire, yajzembi. Quand même, il n'impose pas. Taïeb. Après, il dit, « Fil hadith al-wahid wal-arba'in badal mi'a »« Ou an Aïcha, qalet, lamma jitna sarifa hitto, faqala al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, if'ali ma yaf'alu l'hajju, ghayl alla tatoufi bil-bayti hatta tatkuri. » Muttafaqun alayhi. Donc là, Aïcha, radiallahu anha, a dit, lorsqu'il est parti faire le hajj, elle a été atteinte de ces monstres. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, fais tout ce que font les pèlerins, hormis les circuits rituels autour de la Kaaba. Tu sais ce que tu te purifies. Et le hadith est muttafaqun alayh. Donc là, il y a une seule mas'ala dans le hadith, d'accord, qui apporte le sana'ani et le nawi. Le khurasa, c'est de dire qu'en fait, là, ce hadith nous démontre que la femme, d'ailleurs, peut faire le hajj, mais elle ne fait pas les tout rituels, circuits rituels autour de la Kaaba. Il y a Ijma. Et ça indique qu'il y a Ijma qui peut tout faire, sauf ça. Ou elle a fait un kasselochi pareil, dit le Nawawi. C'est le kasselochi, il rentre dedans. Elle nous fait ça, il rentre dedans. Et lui-même, il rapporte l'ijma, que ce ijma a été rapporté par Ibn Jalil. La masala est simple. Et pour finir, le dernier hadith du cours, qui lui-même a déjà été pris de toute façon, c'est الحديث الثاني واربعين بعد المئة وعن معاذ بن جبل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحل لرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الإزار رواه أبو داود وضعفه والحديث حسن بشواهده. Donc selon معاذ بن جبل qui l'a interrogé le prophète صلى الله عليه وسلم, qu'est-il permis à l'homme comme rapport avec sa femme lorsqu'elle a ses menstrues? Il dit ce qu'on fait du Izar. Le hadith, il est apporté par Abu Daoud et qu'il est autant, il l'a affaibli. Le hadith, il est rendu hassan par ceux qui le témoignent. Donc là, on a déjà pris la mas'ala auparavant, d'accord, comme il dit, qui est expliqué par le hadith de Anas, mutawakkilun alayhi, anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala isna'u kulla shay'in illa an-nikah. En fait, tout sauf la pénétration, en fait. Non. Donc là, ça revient. Et ce hadith-là aurait dû être mis dans les hadiths similaires, avant. Il aurait été mieux placé. Taïe. Mafou mahala. Inch'Allah raden, nukmil. Bab al-Haid. Wa kathalika. Darsana min kitab al-Tahara. Donc demain, on finit, Inch'Allah. Le chapitre des Haïd, des menstrues, et en même temps, ce sera la fin de cette dirasa de Fatal al-Alam de Shir al-Hizam, du livre de la purification de Boulou al-Marad. Bifadlillahi ta'ala. Fa ila huna, subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.